tout en haut et très loin de ce monde qui me tue beaucoup trop. Croire au prince charmant, moi j'y crois depuis longtemps. Ce joli conte de fées que j'ai tant imaginé. Croire au prince charmant, depuis toujours je l'attends qu'il vienne me sauver. J'en ai si souvent rêvé. Toute seule dans ma chambre, dans un monde imaginaire, souhaite qu'il m'entende et que l'on quitte cette terre. Toute seule dans ma chambre, je rêve en secret qu'il vienne et qu'il entende tout l'amour que je lui offrirai, que je lui offrirai. Imaginez, croire au prince charmant, depuis toujours je l'attends, qu'il vienne me sauver. J'en ai si souvent rêvé, j'en ai si souvent rêvé. Croire au prince charmant, moi j'y crois. Depuis longtemps, ce joli conte de fées que j'ai tant imaginé. Croire au prince charmant, depuis toujours je l'attends qu'il vienne me sauver. J'en ai si souvent rêvé. Toute seule dans ma chambre, je n'ai qu'un seul désir, être avec un homme qui saura me séduire, avoir mon cœur qui tremble, emmener-moi à amour pour toujours ensemble et ne plus jamais souffrir. Croire au prince charmant. Charmant.